FrenchPod.com. Le contrôle commence. Vous avez 10 minutes. Et attention, je surveille. Psst, psst. Arrête! Psst, psst. Aide-moi! Je ne comprends rien. Il ne faut pas tricher. Ce n'est pas bien. Écris plus grand. Je n'arrive pas à lire. Monsieur Legrand, on peut savoir à qui vous parlez? Tout seul, madame. Chez le directeur, monsieur Legrand.